Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, la dernière émission du mois de mai, parce qu'on est ce soir le dimanche 30 mai 2021. On est toujours sur un format d'émission en différé, avec cependant toujours du contenu unique et inédit. Une émission qui marque le retour de l'ami Thibaut pour nous présenter différents focus tout au long de l'émission. Donc voilà, on aura l'occasion d'y revenir, d'ici quelques minutes, une petite demi-heure, je dirais. Et sinon, au niveau des nouveautés, 4 seulement pour ce soir. Simplement, à noter que sur 4, il y en a 2 qui sont dans l'aspect française, Sordid et Gorruptid, dans deux styles d'extrême totalement différents. Sinon, du continent nord-américain, on retrouve Flotsam et Jetsam, ainsi que Disembodiment. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, encore une fois, un peu plus tard dans l'émission. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. On commence tout de suite la musique de manière délicate et douce, avec une putain de bonne doublette. Impaled Nazarene, le groupe de Nuclear Black qui nous vient de Scandinavie, qui sort son Aided Serpent, toujours chez Osmose Productions. Ils seront pour le coup en doublette avec Unfathomable Renation, le groupe de Tech Brutal Death qui nous sort son nouvel album Decennium Rinae. Un album, pardon, un nouveau petit EP Ultra Quali, une fois de plus. Une sortie Willowtip Records. Impaled Nazarene, on va s'écouter le titre de l'album, Eight-Headed Serpent, Unfathomable Ruination, avec le titre Withered Embrace. Bienvenue dans l'émission, c'est parti! Yeah. Doublette suivante, première nouveauté dans l'émission d'aujourd'hui, donc Flotsam et Jetsam, formation américaine de trash power, alors le power américain donc. On est toujours vraiment sur une réhausse de niveau hein, depuis un peu plus de 5 ans du côté des Ricains. C'est vrai que fin 2000, début 2010, c'était un peu merdique en fait, et chiant Flotsam. Là ils ont vraiment relevé le niveau, c'est vraiment dans la continuité de l'album de 2019, The End of Chaos. Voilà, 14e album hein, quand même pour les vétérans de Flotsam Jetsam. Voilà, l'album déjà disponible, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, c'est de nouveau bien fait on va dire. Voilà, c'est une avant-première prévue le 4 juin chez AFM Records. Blood in the Water, c'est le titre de ce 14e effort studio de Flotsam et Jetsam. Dans la foulée, petit plaisir coupable pour la toute dernière diffusion de Tropic Murphys, un nouvel extrait de leur album Turn Up That Dial, déjà dispo depuis quelques semaines. Et on va s'écouter le titre de l'album Blood in the Water pour Flotsam Jetsam, et pour Dropkick Murphys, on va s'écouter le titre Lee Boy, qui est tout simplement un hommage non dissimulé à la bande de Lee, pour tous ceux qui ont suivi la très très bonne série Peaky Blinders. Voilà, c'est un hommage du coup à tous ces hommes de main des gangs d'Irlandais aux États-Unis et en Irlande également. Voilà donc pour la doublée suivante, et c'est parti. We'll be right back. Eh bien, pour la doublette suivante, on retrouve donc tout de suite l'ami Thibaut pour le premier focus de l'émission d'aujourd'hui. Je lui laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Premier focus de la soirée et on va se pencher sur le groupe Kandra. Alors, ils sont d'origine biélorusse et ils sortent là leur tout premier album. L'album, il a été précédé donc de deux EP, un sorti en 2017 et l'autre en 2018. Et donc, ce premier album s'intitule All Occupied by Soul Death. Et pour leur toute première sortie, ils signent quand même chez Season of Mist. Donc voilà, c'est assez cool pour eux. Et c'est surtout mérité parce que l'album est vraiment sympa à écouter et franchement, il mérite qu'on se penche un petit peu dessus. Pour résumer, ils proposent un black metal assez moderne dans l'approche. Et voilà, pour être un petit peu caricatural, on va se rapprocher de la scène black metal à capuche sans y être complètement. Notamment avec des compositions avec des relents un petit peu heavy et qui sont assez rafraîchissants dans les morceaux. Après, on reste quand même sur un black metal relativement classique, hein, on n'est pas du tout dépaysé. Et voilà, on a une batterie qui est bien présente et surtout qui nous envoie des gros passages à la double, complètement rouleau compresseur et qui nous transporte un peu. Mais surtout, des riffings de guitare qui restent bien en tête et justement avec ce côté un peu heavy qui fonctionne super bien. Et alors oui, ça j'en ai pas parlé, mais la pochette de l'album, elle est plutôt sympa. Hein. Encore une fois, très classique dans ce qu'on peut trouver dans la scène black, particulièrement dans ces dernières années. Mais voilà, elle est bien foutue, elle est cool, vraiment sympa. Et oui, comme je le disais, ça révolutionne pas le genre. Alors pourquoi vous en parlez spécialement de cet album? C'est surtout que c'est super solide pour une première sortie. Et ça me fait un peu penser à la sortie qu'on avait eue l'année dernière du troisième album de Uada, Jin. Bon, ça se rapproche un peu de ces ambiances-là, mais voilà, Uada c'est leur troisième album, eux c'est leur toute première production, et elle est déjà bien solide, quoi, ça tient vraiment la route. Clairement, l'album il fait quoi? Il fait ouais 43 minutes, et on se fait pas chier en fait, l'album il déroule tout seul, ça s'écoute super bien. Donc voilà, ça fait un focus qui est un petit peu plus court que d'habitude, mais il n'y a pas énormément à dire quand même sur la globalité de l'album. Juste écoutez-le si vous avez envie, si vous êtes amateur de ce style-là, un peu black heavy moderne. Et du coup, on s'en écoute tout de suite un morceau. Pour ce soir, j'ai choisi la quatrième piste de l'album, In Harvest Against the Sun. Voilà donc pour illustrer ce très très bon premier focus pour Chantra, on va donc s'écouter In Harvest Against the Sun et dans la foulée de ce focus Ghostly qui sort son nouvel effort studio Mercurial Passages, une sortie 20 Buckspin Records. Ghostly, on vous a déjà présenté cette formation tout simplement dans les semaines précédentes. Hein. Voilà, du black. Et puis tout de suite, on va s'écouter donc l'extrait Parasites juste après que Chandra, c'est parti. We'll be right back. Alors, bon gros débile que je suis, hein, Castly, effectivement, je me suis planté de ligne. C'est pas du tout le groupe de Black australien, n'importe quoi, groupe qui n'existe plus d'ailleurs. Il s'agit du groupe de Deathcradding venu de Finlande, effectivement à moitié Blackened. Voilà, mea culpa sur ce coup-là, j'ai un peu foiré. Pour la suite, on passe à Herman Frank, du pur Heavy Teuton, bien sûr ex-guitariste de Accept. Two for Lyle, c'est le nom de son cinquième effort studio, déjà dispo chez AFM Records. Dans la foulée, la formation de Black norvégien d'inspiration seconde vague. Tinkersom Rearnaten, c'est le nom de leur nouvel effort studio, pardon. Jevel, on va s'écouter le titre Man and Skull Vere Mine Rhine. Et juste avant ça, Herman Frank, on va s'écouter le titre 8, et tout à l'heure on s'écoutera un autre type qui s'appelle 8, mais c'est pas la même. When do we go? crois qu'on est rarement rentré plus brutalement dans l'aspect française. En plus, le groupe va bénéficier d'un superbe focus et en fait, ils vont diffuser tout seuls. Voilà, vraiment ultra coolos pour le focus qui arrive et je laisse la place de nouveau à Thibaut. Rebonsoir à tous. Pour ce deuxième focus de la soirée, on se penche sur un groupe français qui nous vient de l'est du pays. Inhumate, le groupe de grindcore qui commence à avoir quelques années au compteur parce que le groupe s'est formé en 1990. Faut dire que je n'étais même pas encore né à cette époque. Le groupe a sorti son tout premier album en 1996 qui s'intitulait Internal Life. Un album assez brut de fond, hein. On sent que c'est les prémices et que au niveau de l'enregistrement, c'est fait avec les moyens du bord, j'imagine. En tout cas, c'est un album très sympa quand même à écouter, mais c'est vrai que bon, aujourd'hui avec les techniques d'enregistrement qu'on a, il peut sonner un peu brut. L'année suivante sortira Expulsion, qui sera suivi en 2000 de Growth, puis de Life en 2004. Alors je vais assez vite parce que globalement je vais dire les mêmes choses. Ce sont tous des excellents albums, faut absolument les écouter si vous êtes amateur de grindcore. Voilà, c'est bon, bah voilà, c'est dans son jus, ça progresse progressivement, que ce soit en qualité d'enregistrement ou même en qualité du contenu des albums. En 2009 sort The Fifth Season, clairement pour moi le meilleur album jusqu'ici qu'ils avaient sorti. Il est c'est un rouleau compresseur, on en prend plein la tronche du début à la fin. Et voilà, c'était vraiment jusqu'ici vraiment ce qu'ils avaient fait de meilleur. L'album est suivi en 2013 de Expulsed, qui est aussi très sympa. De toute façon, je me répète, hein, mais toute la discographie est vraiment intéressante à écouter. Et donc finalement, là vient tout juste de sortir leur septième album qui s'intitule Eternal Life. Et le groupe reste comme toujours depuis le début de leur carrière, signé sur leur propre label, Grind Your Soul Productions. Et il y a beaucoup à dire sur cet album, parce que vous l'avez entendu, il s'appelle Eternal Life, il fait largement écho au nom du premier album qui lui s'appelait Internal Life. Au niveau des morceaux de l'album, on retrouve le tout dernier morceau qui s'appelle Alone, point d'interrogation, qui fait écho au tout premier morceau du premier album qui lui s'appelait Alone. Et en fait encore plus visuel pour le coup, la pochette de l'album qui rappelle largement la pochette également donc du tout premier album, Internal Life, dans une version beaucoup plus cosmique, grandiose et dézoomée. Là où le premier album se voulait beaucoup plus proche de quelque chose de charnel. Et voilà, bon bah voilà, ça sonne comme une sorte de conclusion, et c'est avéré puisque le groupe a communiqué là-dessus en exprimant que ce sera leur tout dernier album. Et pour être très clair, ils partent avec pour moi ce qui est leur meilleure production. Le titre de l'album est complètement en adéquation avec ce que je pense de cet album, c'est-à-dire que c'est un passage à la postérité. Le groupe parle à tête haute et franchement, bravo à eux parce que l'album c'est vraiment une tuerie, c'est le summum de ce qu'ils ont pu faire. On est sur 50 minutes de grindness sans artifice, complètement fait avec les tripes. Et bah voilà, c'est un rouleau compresseur, ça tabasse tout du long et on se fait pas chier, ça dure 50 minutes quoi. Et je suis vraiment content de comment ça se passe parce que le groupe part avec un super album et surtout ils annoncent qu'ils continuent à faire vivre leur musique et à faire des concerts. Et pour avoir eu la chance de les voir à l'Obscène Extrême il y a quelques années, c'est un show qui est particulièrement intense et on est vraiment dedans, ça donne une autre dimension encore à leur travail, donc trop trop hâte de pouvoir les retrouver en concert. Et du coup, on va s'en écouter non pas un, mais deux morceaux, parce que, bah, comme vous vous en doutez, c'est quelque chose de très expéditif. On commence par le morceau Hate, qui est un condensé de violence pure et dure de 1 minute, et on enchaîne avec Life. On n'est toujours pas dans quelque chose de doux et d'agréable à l'oreille, hein, mais on est sur un morceau qui respire un chouïa plus, et qui est un petit peu plus long, et qui est vraiment chouette également. Donc voilà, pour l'anecdote personnelle, Inhumate, moi ça fait vraiment partie de ces groupes que je porte très chaleureusement dans mon cœur, découvert deuxième partie entre 2005 et 2010, au détour d'un obscur. D'une obscure compile, non, qu'est-ce que je raconte? J'ai vu leur nom sur une affiche et c'est ça. Derrière, je m'étais procuré une compile. En fait, enfin, c'est pour moi où en France, il n'était pas possible de faire de la musique aussi brutale. Et c'était sur une affiche d'un truc en Belgique. Donc pour moi, Inhumate était belge. Jusqu'à ce que je découvre qu'ils étaient alsaciens. Et là, j'ai pris une tarte énorme. C'était un putain d'honneur et de plaisir pour moi d'avoir l'occasion de les accueillir à Lochengrin en 2013. de les revoir ensuite à l'Obscène Extrême en 2018. Voilà, ça fait partie de ces groupes que malheureusement on voit un peu trop peu par chez nous. Ils sortent voilà, leur chant du cygne. Putain, le cygne il a mal à la gueule tellement ça tabasse Royal, ce Eternal Life. Toujours en do it yourself, hein, c'est ça qui est vraiment prodigieux. Et la doublette pour illustrer le focus de ce soir, c'est Hate. Donc voilà, d'où le clin d'œil à Herman Frank. Et Life, pourquoi Hate? Enfin, pour moi, je trouve que cet album est absolument incroyable. Hein. Le truc fait 1 minute 40. Vous avez du blast beat, mais tellement surfurieux, la moitié du morceau. Et la deuxième moitié, c'est du 10 beat, mais enfin, ultra, ultra vénère, vraiment haineux comme pas possible. Et Life, pourquoi? Bah parce que Life, en fait, bah, le morceau, il est ultra cool. Et j'étais il n'y a pas très longtemps en petite discussion avec Damien, du coup, le guitariste de Inhumate. C'est vrai que c'est un petit peu rigolo, on n'a pas le même âge, mais on a découvert le groupe en même temps. Bah, sauf que lui, étant du coin, il a eu l'opportunité d'intégrer la formation. Donc, enfin, c'est une petite anecdote toujours ultra coolos à partager. Et en fait, Life, il m'a dit, tu vas voir, il y a un truc sur le morceau, il y a une reprise de break, ça groove comme pas possible. Et putain, ouais, en fait, c'est vraiment. j'avoue, chapeau sur ce coup-là. Enfin, l'inspiration, elle est ultra ouf. C'est funky, funky à souhait, et en même temps, ça grigne comme jamais. Donc voilà, une fois de plus, la consigne, c'était faut que ça chie, et putain, ça chie royal. Avant tout, les artistes sont des hommes qui veulent devenir inhumains. Cette doublette sur Focus pour Inhumate, on enchaîne avec une nouveauté toujours dans l'aspect française. Sordid, la formation black metal qui nous vient de Rouen. Quatrième effort studio, un petit peu plus de 2 ans après le présent album qu'on avait déjà diffusé, intitulé Hier déjà mort. Depuis, le groupe a signé chez les Acteurs de l'Ombre, il reste très fidèle à son style de black metal bien particulier, avec des textes toujours en français, très inspirés chansons françaises, scène punk, voilà, très engagé, sordide et musicalement très qualitatif. Et dans la foulée, on s'écoutera The Lost, Mystery of Death, voilà, très très bon groupe français de heavy qui cogne. Le silence ou la vie, extrait du nouvel album de Sordid intitulé Les Idées Blanches, qui sort chez les Acteurs de l'Ombre le 4 juin. Mystery of Death, le titre de l'album pour The Lost, c'est parti.